Radiomatic. It's all content. Just open up your heart and soul and let it come in. Of the Universe. Tel est le titre de la pièce composée par le saxophoniste Albert Eiler que les sonoristes ont utilisé pour lancer cette transmission 302 d'Audiomatic. La pièce paraît sur l'album homonyme Music is the Healing Force of the Universe, paru en 1970. Les sonoristes vous accueillent cette fois pour la transmission 302 d'Audiomatic. Bonne écoute! We'll be right back. certainty. Roll your hopes and dreams have faded out of reach. Remember all the bad dreams. Not far from reality. Would you ride again for me? When you the line before, and just how long did it take for you to understand where your feelings stopped and writing began? Convince yourself to take control, play to the hill, this unlikely role. I knew audiomatique, nous entendions l'artiste américaine Erica Michelle Anderson, qui est mieux connue sous le pseudonyme Emma, et qui nous offrait la chanson Neuromancer, extraite de son troisième album studio The Future's Void, paru en 2014. Et pour débuter, nous vous avons présenté le groupe texan And You Will Know Us by the Trail of Dead et la chanson Will You Smile Again que l'on peut retrouver sur leur quatrième album Worlds Apart, lancé en 2005. Audiomatic se poursuit avec une pièce de la formation Controlled Bleeding qui cette fois explore l'environnement sonore de la musique dub. Thank you. Thank you. À Audiomatic, nous venons d'entendre une composition du trompettiste français Éric Truffaz, composition qui s'intitule « More », et qui se trouve sur l'album « Bending New Corners » paru en 1999. Avant Éric Truffaz, nous écoutions une pièce de la formation Control Bleeding, à savoir la deuxième des neuf parties qui composent l'œuvre « Our Journey's End » sortie en 2000. La continuité d'Audiomatic sera assurée par une nouveauté du groupe néerlandais Clan of Zymox. Yeah. nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le défunt groupe anglais The Art of Noise qui nous présentait sa composition Crusoe, ici remixée par le duo anglais LFO. Cette version est tirée de l'album The Fun Mixes, tandis que la version originale de la pièce Crusoe est parue sur le troisième album de The Art of Noise, In No Sense Nonsense, sorti en 1987. Tout juste avant, il s'agissait du projet trifluvien Damco, mené par Eric Marlowe, de qui nous entendions la pièce Bliss. Nous vous invitons d'ailleurs à découvrir davantage l'univers sonore de Damco en visitant son profil SoundCloud au soundcloud.com/DamcoOfficial, c'est-à-dire D-A-M-K-K-O Official. Et en amorce de séquence, nous avions droit au groupe néerlandais Clan of Xymox qui a fait paraître le 24 juillet dernier un nouvel album porte le titre de Spider on the Wall. De cet album, nous vous avons présenté la chanson When We Were Young. C'est une très courte pièce du projet bruitiste Masona, mené par l'artiste japonais Yamazaki Takushi, que se conclura cette transmission 302 d'Audiomatique. La pièce choisie est la sixième apparaissant sur le mini-album Sonic Devil, sorti en vinyle seulement en 1997. Tout porte à croire que mercredi prochain, dès 17h, Audiomatique en sera à sa transmission 303 en direct sur les ondes de C'est fou. Notre présence s'étendra comme à l'habitude dans l'univers virtuel à travers nos plateformes comme entre autres facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici pour terminer Masona et Sonic Devil Part 6. C'était Audiomatique avec les sonoristes.